L'agence de presse d'internet mauritanienne Al-Patahoum a présenté le discours en la station de ski de Massignon. Rappelons qu'en République populaire démocratique de Corée, la station prestée a été mise en service il y a quelques années. La presse a indiqué que la station construite au profond intérêt du dirigeant Kim Jong-un reçoit les touristes en hiver et même en été.